dans ma tête le désert. Je suis seul, le malheur m'embrasse, je m'y colle sur la tempête un désert. Tigle, tu me cherches la guéguerre, je rigole, je fais mon rap technique, j'étale, je dérange ta liasse, j'ai tout, nerveux comme B, j'étale, ça fait longtemps qu'on craint pas les coups. On check le petit qui font tout, oui tout, avant d'y aller, je fais mon tour. Et voilà, là, c'est comme ça pour tout, mais on sait que tout ça que son tour. J'aimerais avoir les billes pour sortir mes potos de cette merde, une envie de tout niquer et de tout piller. L'état nous tue, mais on va pas te laisser faire. Moi, solo, je fais ce que je veux. Laisse-moi faire, c'est ce que je fais. Tu me rappelles, c'est ce que je veux. Speed un mot pour ta cheville. Je fais un plan, mais je vis. Je viens quand je pleure de rire. Marre de voir mes potes en tolo avec un bracelet sur la cheville. Balance BDH, j'évite. Je les aime pas, ils me sortent des yeux. Ça fait choisir un camp, ils hésitent. Je préfère les apps, pour moi, c'est mieux. Qu'est-ce que t'en dis? Mais c'est rien, j'ai l'habitude. Je les calcule pas pour des thunes. T'aimes faire ta folle, hein? T'aimes faire ton foutre. Hein, j'aime faire ta poire, hein, j'aime faire ton foutre. Prends-moi comme ça ne va pas au lit. Toutes ces histoires, moi je suis pas remis. Ouais, pas remis, eh ouais, c'est dur. Comme voir ta femme avec un gars au lit. À tous ces gens qui veulent vivre ma vie, qui sachent que des fois je préfère la leur. Des choses qui m'empêchent de dormir la nuit. Et trop bien, j'arrive pas comme arriver à l'heure. Je vois comme un like, mesdames, messieurs. Mon secret, je vois dans mes yeux. Vous faites leur pas sur mon sort pour que vous ayez de la pitié, bien sûr. Je vois le bonheur, je l'arrache, sur bête de club U. Arrache, c'est ce mec qui a eu la rage. Car trop de vendus, ça rase. On est là posé à la place. À la fuite, gadji que ça chasse. Chapeau de paille, putain, à la bouche. Ça fait trembler les clients qui passent. Non, on n'a pas la même vie. Pas le même but, pas la même devise. Peut-être le même but, drôle de vie. Elle t'emboucane avec deux drôles de vis. Ouais, moi c'est idiot, sur ma vie, tu cramé. Pour une photo, certains vont les cramer. Tu manques de respect, allez, nique-moi ta mère. On joue pas avec tes couilles, gros, ne l'oublie jamais. Mais c'est rien, j'ai l'habitude. Je les calcule pas pour des thunes. T'aimes faire ta folle, hein? T'aimes faire ton foutre, hein? T'aimes faire ta folle, hein? T'aimes faire ton foutre. Mais c'est rien, j'ai l'habitude. Je les calcule pas pour des thunes. T'aimes faire ta folle, hein? T'aimes faire ton foutre, hein? T'aimes faire ta folle, hein? T'aimes faire ton foutre.